c'est Yves Moinquin. Deux, trois questions qui sont à la fois d'ordre historique, mais qu'il faut avoir d'ailleurs. L'expression même « prendre l'air », est-ce qu'on a une idée d'où elle vient? Est-ce qu'elle vient du milieu médical, du 19e? Est-ce qu'elle vient de... Je sais pas où. Mais, bon, elle est encore répandue aujourd'hui, mais on doit voir sans doute des origines. Oui. Peut-être au-delà même du 19e. Oui. Première question. L'autre, c'est, est-ce que dans les travaux de poète, on voit déjà apparaître des promenades avec animaux domestiques? Les petits chiens apparaissent, à mon avis, dans des tableaux du 17e, mais est-ce qu'on promène ces chiens ou d'autres animaux? Est-ce qu'ils accompagnent leur maître? Et troisième question, ce serait de faire le rapport entre les gravures que nous avons vues pour Paris et des pratiques qui sont encore presque actuelles dans des pays du Sud, du style passaggiata, enfin, déambulation sur les Ramblès à Barcelone, qu'on pouvait encore voir il y a quelques années, ou qu'on peut encore voir certaines places publiques en Grèce. Est-ce qu'on pourrait assimiler ce que vous nous avez montré, là pour Paris au 17e, à ce phénomène de la passaggiata des pays méditerranéens? Alors, c'est la première question. Il y a dans des poèmes ou des textes et chansons du 17e, l'expression prendre l'air qui apparaît. Il me semble que dans le livre, l'expression, enfin, poète l'évoque à travers un texte dans un premier temps. Donc il y a vraiment ce sens qui est peut-être lié à le texte en question en rapport avec le fait de prendre l'air à Paris. Et ça pourrait être en lien avec le fait que. Même le fait qu'on n'arrive pas à faire disparaître complètement les abattoirs, les tanneries, etc., du centre qu'il y en a de moins en moins, et que de plus en plus il devient possible, agréable, etc., de prendre de l'ordre. La deuxième, parce qu'il y a des animaux, mais je n'ai pas vu dans ces textes d'influence que le commun. Résurrection de la passagère. Moi, je n'oserais pas faire ce rapprochement, mais directement. Le seul rapprochement qui est très évident, c'est à travers c'est dans la porte de Corso, le Corso italien, qui est très répandu en Italie à l'époque et qui est amené. Par ici à Paris, hein, qui est bien, on a construit trois ou quatre dans Paris, et c'est des sortes de cadeaux qui sont offerts à la noblesse parisienne, à la noblesse qui habite la ville pour s'amuser. Les premiers qui étant comme pour Rennes, qui sont devenus isolés, mais les autres, plus tard, comme le cours Saint-Antoine, étant intégrés à la vie, on finit par les utiliser comme des voies, les voies latérales, qui deviennent des voies latérales très importantes près des portes. J'ai peut-être oublié aussi qu'il y a aussi la plantation de toute la ceinture qui correspond au grand boulevard actuel. Là, l'équivalent des grands boulevards parisiens est déjà en place avec les 2x2. Je peux pas répondre. Merci. Oui, en retour, donc, je voulais vous demander quelque chose. Est-ce que, en deux mots, parce que c'est bien sûr difficile de. Très très précis, mais il existe une stratification spatiale qui correspond aux différents usages à cette époque-là. C'est-à-dire l'expression tenir le haut du pavé, je ne sais pas quand même là, peut-être du Moyen-Âge ou quelque chose comme ça, avant sans doute. Donc il correspondait à une certaine propreté d'accès, notamment pour les robes longues. Mais donc il y a toute une hiérarchie. Même à l'échelle de du micro-espace qui existe dans la même rue. Mais est-ce qu'à cette époque-là, au moment où la promenade arrive comme usage social, social fort, quoi. Est-ce qu'il y a une simplification sur les classes, sur les genres? Oui. Dès le début, il y a une stratification sociale. Il y a des espaces qui sont ouverts à tous, enfin, qui sont utilisés par tous, mais ce sont des espaces qui ne sont pas, qui sont des restes ou des berges de fleuves, etc. Mais après, il y a plusieurs espaces qui sont ouverts au public, mais seulement au public dit de qualité. Donc il y a par exemple, énormément de plusieurs cours, le jardin des Tuileries, un grand nombre d'espaces qui sont disponibles seulement pour la noblesse et pour une partie de la bourgeoisie. Est-ce que ça correspond à une territorialisation de certaines catégories sur l'espace public, ou bien est-ce qu'il y a aussi des zones de frontières, de transition qui permettent justement une interpénétration ou des parties non fixées d'avance? Tu vois ce que je veux dire? Plusieurs classes peuvent se retrouver, il y a une certaine mixité qui pourrait peut-être s'installer dans certains endroits. Est-ce que ça existe? Oui. Par exemple, déjà, dans les grandes rues, dans les rues très larges qui seront redessinées à l'époque, sur le pont neuf, on est dans un. Il s'agit d'un lieu de passage qui est essentiel à tout le monde. Hein, parce que c'est aussi l'époque, par exemple, où on a les premières grandes fabriques de produits de luxe qui seront créées à Paris, comme le Gobelin, etc. Ce qui veut dire que même l'ouvrier se déplace. Hein. Et donc, on a un nombre d'espaces très importants dans le centre où tout le monde est obligé de passer. Et sinon, il y a des lieux de commerce comme la place de la Grève, par exemple, où on trouve les commerçants, mais à proximité, il y a, comme c'était le cas au Havre, hein, il n'y a pas très longtemps, il y avait des espaces de pauvreté immédiatement autour, il y avait aussi un problème de banditisme, justement, qui se crée à la limite de certains espaces, comme la place de la Grève, mais aussi près du Marais, à proximité des cours qui n'étaient accessibles pour la noblesse. Voilà, c'est une histoire de France. Donc en effet, j'ai eu peur aujourd'hui de. Enfin, il y avait à présenter le texte de poète, en mettant le cadre d'une thèse, j'essaie de le situer de positionner sa production dans le milieu contextuel de l'époque, etc. Donc j'ai fini par être assez descriptif, mais en effet, il y aurait une sorte d'analyse à faire de l'ensemble des textes autour de thèmes comme, enfin, autour de questions comme celle que tu poses. Jean-Yves Petitot, juste deux questions à te poser. C'était autour des cours, justement. Je me demandais si, effectivement, au cours des villes coloniales, particulièrement l'exportation modale, surtout européen, si effectivement il y a une dissociation entre les cours avec leur fonction militaire, donc dans la centralité urbaine, et la notion de promenade, et si ça se va et vient entre ces deux notions, une certaine importance sur la superposition sur l'espace urbain. Et puis l'autre question, tu disais sur le pont neuf, c'est le premier pont où il y avait des trottoirs. Et cette naissance des trottoirs, comment est-ce que par rapport à la dissociation du pont neuf, le côté populaire du trottoir, qui permet peut-être de greffer entre les classes sociales des porosités, est-ce que à partir de quel moment le trottoir apparaît comme une autre manière de cheminer entre ces grands espaces de problème? C'est ce que peut être. À quel moment le trottoir se généralise? C'est ça? c'est pas seulement la généralisation, c'est presque même quand ça apparaît plutôt. Quel sens, tout d'un coup, parce que les cours apparaissent comme progression avec une reconnaissance manifeste d'un type de promenade, d'un type de posture sociale, on est à partir de quand le trottoir reconnaît notre posture sociale, notre comportement dans la rue. Oui, je n'ai pas de réponse directe à cette question. J'avoue que j'ai été un peu surpris de ne pas trouver dans les textes, dans les autres textes de poètes, une reprise de la question du trottoir. Hein, qui est présentée là. Ce n'est pas le premier trottoir qui existe, c'est l'un des plus premiers. C'est le premier sur un pont. Il développe très bien un peu ce qu'il appelle la vie urbaine à cet endroit. Mais après, il y a pas de retour à la question. Et par contre, en ce qui concerne la présence militaire dans ces espaces libres, c'est une question qui est très importante. On partit parce que les dissensions entre la bourgeoisie, qui s'enrichit énormément à l'époque, et la noblesse, et le roi, hein, les tensions sont déjà en train de sont déjà très présentes et donc il y a une sorte de des espaces comme la place Royale, mais aussi les Tuileries sont des serres de scène pour les grandes carrousels militaires, et il y a aussi toute une mise en scène le long des Champs-Élysées qui a rapport avec l'entrée triomphale en ville et toute la présence de la puissance militaire qui l'accompagne. Donc il y a en effet le sens que quelque part qu'il y a à marquer la ville de cette époque de la présence militaire à l'autre parade. Mais ce n'est pas vraiment une réponse à cette question. C'est des éléments qu'on trouve dans le texte. Après, tu as évoqué les vies coloniales. Après, est-ce que tu peux revenir sur ça? Oui, moi je parlais de la vie coloniale ou des comptoirs parce que c'est l'exportation d'un certain type de modèle normalisé, en général, puisque la forme urbaine précède finalement l'usage. Il n'y a pas toute cette histoire en fait, d'une évolution. Donc à un moment donné, c'est intéressant de savoir en fond ce qu'une société reconnaît comme hiérarchie des pratiques ou comme dissociation des pratiques ou comme articulation. C'est pour ça que je disais que le modèle formel de l'exportation de la ville. Un modèle transposé comme une comptoir, colonisée. Je me demandais si ce n'était pas justement un côté révélateur de cette ville par rapport à une lecture des pratiques urbaines, telle que la société en prend conscience à un moment donné, que pour moi, les acteurs, les engagent. C'est pour ça que je parle de cette ville-là. Plusieurs des dispositifs urbains qui se sont inventés à Paris, sont repris par des urbanistes qui construisent des villes dans les colonies, et pas seulement. Hein, quelqu'un comme Donat, Alfred Agache, va y reproduire même en faisant son projet à Rio. Hein, donc, en effet, on reprend un certain nombre d'éléments, dont l'idée de voir triomphale, on l'applique de manière différente. Dans plusieurs villes coloniales, et même par une espèce d'effet de plaquage, dans certaines villes, en dehors de la France, et dans les années 1720. J'avais une question un peu dans le prolongement sur les trottoirs. Ouais. Parce que finalement, dans les représentations qu'a montré le poète, enfin qu'il extrait en tout cas d'un corpus, il montre un paradoxe, parce que tu dis qu'il est attentif à l'observation en quelque sorte, mais en fait, sa représentation reste très très scéniques, de loin, c'est des vues aériennes, etc. Oui, oui. Et je me pose la question par rapport à des gens comme peut-être plus proches de l'expérience même de marché, qu'on a un peu étranger dans la catégorie du pittoresque, comme Camille aussi, par exemple, qui décrit des dispositifs qui sont liés au déplacement et qui, par cette méthode-là, amène à s'intéresser à des détails, je veux dire, de l'espace du mouvement, ou alors des gens comme Alphand, qui s'intéresse précisément aux trottoirs, aux alignements, aux bancs, aux bancs publics, et à l'aménagement, justement, et qui discute, par exemple, la largeur même du trottoir, comme lieu de promenade, qui permet effectivement d'effectuer des expériences de type différent. Donc je me dis, est-ce qu'il y a pas un poète, est-ce qu'il oui. est aussi... observateur que ça, dans sa pratique. Non, mais disons que c'est un effet de la présentation. Il y a un grand recours, comme je l'ai dit, à l'anecdote et à la citation des textes littéraires. À travers ces citations, on voit de très près, on sait en des pratiques. Okay? Donc il y a une attention, il y a une présentation des pratiques. D'ailleurs, c'était pour le fait de s'intéresser à ce niveau de détail qui a été le plus souvent critiqué. Par exemple, un compte-rendu intéressant d'un livre de poète qui a été fait par Lucien Febvre dans les années 20, qui dit, mais qu'est-ce que c'est que cet historien qui nous montre l'évolution des choses, mais qui a en même temps a cette fâcheuse tendance à se poser pour effacer deux pages sur un texte qui nous explique comment un homme et une femme se rencontrent dans une place. Il y a cette attention aux pratiques qui nous distingue peut-être évidemment des figures comme Lucita qui ne travaille jamais dans ce registre-là, même si quand on regarde, moi, je pense peut-être même encore plus à Han Wyn, par exemple. Quand on voit ces scènes, ces perspectives qui dessinent des espaces un peu irréguliers, pittoresques, etc., on n'a aucune difficulté à imaginer comment on pourrait les pratiquer. On a l'impression qu'il y a en effet une sorte de sens de ce que sera l'usage de ces espaces. Moi, un peu dans la continuité de la question de Grégoire, est-ce qu'à un moment donné, poète nous donne une description des façons de marcher puisque tu nous disais tout à l'heure, par exemple, il y avait des espaces réservés en fonction des classes sociales, donc nous avons eu qui étaient largement marchés pendant la bourgeoisie. Est-ce que le poète, à un moment donné, nous décrit la façon dont tous ces gens marchent ? Avec ou sans chien, avec ou sans canne, avec des ombres ou pas, est-ce qu'on a des détails aussi précis que ça? Et est-ce que cette description-là, si elle existe, est en rapport à un moment donné avec la façon dont les espaces sont aménagés? Il y a, la réponse est que oui, on trouve dans les textes une répétition souvent précise. De la manière dont ça se passe, avec des détails documentaires, même de la description de posture, etc. Mais ce qui est difficile, ce qui est pour moi à ce moment, énormément quelque part pour le travail que je fais, c'est qu'il s'agit de quelqu'un qui n'arrête pas de raconter à nouveau et à nouveau encore l'histoire de Paris, toujours en faisant un petit déplacement de son optique, parce que il est toujours son but quelque part, c'est de mobiliser l'histoire en rapport avec une stratégie d'action, ou à un moment où une action est à prendre sur la ville, de proposer une chose. Donc, il faut chercher de manière à travers un ensemble de textes écrits sur 20 ans, des détails. Hein. Et les thèmes sont repris, mais le thème qui est central dans un livre devient secondaire dans un autre. C'est quelque chose d'extrêmement, comment dire, enfin, je serais tenté de dire isonique. Voilà. Il y a une manière dont les thématiques sont constamment en train de se croiser. Voilà. Donc, il faut chercher, mais on trouve en effet, il peut avoir en effet, si on lit plusieurs textes, il peut avoir en effet une natif assez longue sur un espace donné. Comme il peut avoir aussi des différences de degrés d'accent mis sur les questions de conception des espaces ou sur les fonctions. Il y a aussi des textes qui sont petits. Et franchement, c'est bon. Voilà. Oui. Oui, je vais faire une interprétation très très libre, mais je vous pose une question sur est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un processus historique de déambulation avec une espèce d'allongement de la forme une origine qui serait plutôt circulaire, circus maximus, la place royale, lieu de parade militaire d'abord, puis le festif, etc., les grandes places dans toutes les villes européennes, qui parfois, j'ai étudié récemment sur Fribourg en Suisse, s'implante à l'extérieur du rempart de la ville, pour s'agrandir, pour devienne à la fois le moment de passage de la parade militaire à la parade bourgeoise, etc. Et puis ensuite, on a le cours, le corps sombre, etc., le cours la reine, qui est encore circulaire, parce qu'on dit circule, en rond, mais ça s'allonge quand même, sérieusement. Et où donc, si je comprends bien l'étymologie, c'est à ce moment-là qu'on commence à courir le fil. Et puis ensuite, on va un peu plus loin et on arrive au mail, où là, on va mailler. Qu'est-ce qu'on maille? Alors le mail, c'est bien la maille l'origine, c'est le maillage du sol, c'est même ce terme-là. Le maille, oui. Donc, le maille, le maillel. Et c'est le jeu qui donne le nom à la structure formelle, à la forme urbaine, mais le nom du jeu vient de la maille, parce que, enfin, je ne sais pas ça, mais bon, qui est une espèce de troisième étape, bon, liée au champ de tir, à des choses comme ça. Bon. Là aussi, pas très loin, mais ça s'allonge encore. Et puis ensuite, on arrive au pont, au trottoir qui s'invente sur le pont, ce que je ne savais pas, mais que je trouve très intéressant. C'est quand même la centralité des brassages possibles qui fait inventer le trottoir sur justement le seul lieu de passage qui est le pont. Et où là, on invente le trottoir, et on est vraiment dans la linéarité. Quoi. Et donc, dans une invention d'une angularité. Qui s'extrait de formes urbaines plutôt de l'origine du forum, de la forme circulaire. Donc au fond, je sais pas. C'est un processus où je trouve qu'il y a une passe du point ou du cercle, la ligne, ça va aussi avec l'invention de la promenade. Oui, donc il y a. Non, mais tout à fait. Presque tous les espaces aménagés de promenade sont des espaces, sont des ambulatoires. Un circuit, comme on le verrait dans un ambulatoire de couvent, quoi. C'est circulaire. Et même, les textes donnent l'impression que même les espaces non aménagés, comme les berges, sont désignés. Désignés par les gens, qui nous font pour cette activité, et on les utilise de cette manière-là. Et les seules évocations de quelque chose qui se relève dehors du linéaire, dans le texte, maintenant que j'y pense, ce sont des moments où on parle des frictions, des problèmes, du banditisme, des problèmes ou des sources de tension. Le type qui les vendeurs qui gênent qui gêne la circulation des gens dans la rue, etc. Mais c'est toujours, à ce moment, dès qu'on passe à la linéarité, il y a une espèce de friction, qui, quelque chose de problématique qui s'introduit dans l'histoire. Je m'arrête à savoir quelque chose de plus sur la représentation graphique dans les livres de la Défaite. Sont des reprises, des tableaux, ou est-ce qu'il a fait, il a commandé l'illustrateur de dessiner oui. pour lui oui. Et pour quel, si c'était des reprises, des tableaux ou des gravures, quel type de tableau il s'agissait? Oui. Alors, il y a une collection de 25 000 fichés sur verre. C'est que des images parisiennes, que ce soit des tableaux, des dessins. C'est surtout des sources qui ont été données dans des archives et qui sont ensuite classées, analysées, etc. sont utilisées comme corpus. Mais Poète était aussi acheteur de photographies à l'époque où il créait l'Institut d'urbanisme. Et entre autres, Adjet qui achète. Qui vend des photos à Poète à ce moment-là. Il achète énormément de photos. Il n'y a pas de production directe d'images pour lui, mais il est intéressant que tout au long du siècle, il y a un grand engouement pour l'iconographie parisienne. Il y a beaucoup de bourgeois parisiens qui font partie, par exemple, des sociétés. Savantes qui écrivent de l'histoire locale, etc., qui sont collectionneurs d'images parisiennes, qui commandent aussi des lithographies, des peintures, etc., qui reproduisent des scènes de vie dans le Paris, etc. Voilà. Donc, il est sensible à tout ce matériel-là. Les seules commandes d'images qui sont faites par lui sont pour photographes. Et d'ailleurs, il n'est pas sûr ce qu'il pense de la photographie. Parce qu'il le trouve excessivement clinique. Il préfère les images. Il est toujours dans un sort de double rapport à l'image. La première chose est de prendre une image d'un espace et de le comparer à une autre image de la même espace, et puis une troisième et une quatrième, afin de dégager l'idée de la culture, qu'on puisse savoir l'état de cet espace en une époque donnée. Et c'est tout ce travail très difficile. Très objectif, entre guillemets. Mais il a dit à plusieurs reprises dans les papiers, je trouve, des lettres, il dit, mais le problème, une image qui n'a pas de pouvoir d'évocation ne l'intéresse pas. Il y a une grande collection de cartes de toutes les villes d'Europe qui a été faite à la même époque, à l'époque de l'Institut. Donc il n'y a pas une mise à l'écart complète des plans. Au contraire, il y a même une très belle collection, mais ce n'est pas central au travail. Qu'il fait lui-même. Et il y a aussi une collection de brochures et de pièces volantes, etc., de son propre époque. Il y avait l'idée déjà de préparer, de faire une sorte d'archive de pièces, des choses d'actualité qui pourraient être gardées pour le futur. Et cette collection, à un moment donné, a malheureusement été jetée à la poubelle. Je voulais juste poser une question sur l'influence de l'art, ou de représentation artistique de tel ou tel médium, par rapport à la construction même de l'espace urbain, sur ses cours, sur ses... Je pense à ça parce que je pense à Sienne et à Florence, où on a effectivement le modèle florentin qui est lié, et on a une installation sculpturale, ou Sienne avec la peinture, mais où directement, enfin, c'est pas une influence, c'est la conception même qui provient de... Un tableau qui provient de la peinture ou de la sculpture. L'influence est directe. Elle ne s'est pas, dans le fond, une mise en image après, a posteriori. Et je me demande si ce côté précédent d'une forme manifeste artistique existait aussi sur l'effet dynamique de la conception à Paris ou dans d'autres villes européennes. De cette manière aussi, c'est c'est un exemple fondateur particulier. Les images, ce qu'elles viennent après, au moment où on construit pour mettre en valeur, comme une communication, ou est-ce qu'elles ont été génératrices, presque une conception, même de la ville, dans ce rapport à la promenade ou à la mise en scène. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est exactement au même temps, c'est à la même époque qu'il y a, qu'on crée ces espaces marqués un peu de l'esthétique des environs des châteaux, etc. En même temps qu'on crée ces espaces, que ce genre de représentation apparaît. Un genre de représentation apparaît, c'est-à-dire le genre de gravures qu'on a vues, qui sont faites par des artistes comme Israël Sylvestre, Perel, et quelques autres. Je ne peux pas te donner une réponse définitive à la question, mais ce que je sais, c'est qu'il y a souvent un mélange de fiction et de réalité dans les représentations qui sont faites. Les artistes ne tiennent pas à la stricte réalité des espaces parisiens et parfois font des gravures alors que l'espace n'est pas encore terminé, etc. Donc il y a il y a quelque chose de dynamique qui se fait entre les artistes et les concepteurs des espaces, dont on ne connaît pas les noms souvent d'ailleurs. Mais de là à dire que cette production d'image, de gravure a eu une influence sur la conception des espaces, je n'ai pas vu d'affirmation de cela. Mais les deux sont tellement inséparables qu'on peut supposer qu'il y avait une sorte de fréquentation mutuelle entre les deux. On va vous prendre éventuellement une dernière question dans la salle, si vous en parlez. Non. Sinon, merci Steven pour ce premier témoignage de cette histoire de grand-fille, la marche poète.